Ainsi se termine cette nuit des fantômes, nuit commencée en votre compagnie, Caroline Callard, vous qui êtes l'auteur d'un essai publié chez Fayard, à recommander à tout amateur de fantômes, bien entendu, Le temps des fantômes, sous-titré Spectralité de l'âge moderne. Alors, je vous avais demandé au début de la nuit comment Pierre Leloyer avait recensé toutes ces histoires de fantômes. Vous n'aviez pas répondu, parce que un fantôme avait dû passer comme ça dans le studio, en une minute. Disons que je pense qu'au cours de toute cette nuit, on a vu apparaître un certain nombre de chasseurs de fantômes. Je pense que j'en suis une chasseuse de fantômes dans l'histoire. Et Pierre Leloyer était lui aussi un fameux chasseur de fantômes. Comment il s'y prenait? Pas un petit peu au comme 16e moi, siècle, en fait. Hein. Au 16e siècle, comment il s'y prenait, un petit peu comme moi. C'est-à-dire qu'il les voyait beaucoup dans les livres, en réalité. C'est-à-dire, il avait quand même un réseau de correspondants qui lui envoyaient des histoires succulentes, croustillantes. Dans toute la France. Succulentes, succubes. Succubantes. Et il envoyait aussi au prétoire, hein, puisqu'il raconte aussi des souvenirs de juristes. Mais par contre, lui-même, n'a jamais raconté avoir vu des fantômes. Et c'est vraiment quelque chose de frappant. Hein, et il ne témoigne pas avoir vu des apparitions directement. C'est toujours un oui-dire ou un lui-dire. Ce qui n'était pas le cas d'Anthony Augusto, qui était notre invité aussi pour La France hantée, Les aventures d'un chasseur de fantômes, publié aux éditions de L'Opportun. Et puis, nous avons reçu également Clélia Zernik et Eric Zernik pour leur livre L'attrait des fantômes, publié chez Yellow Now, un livre sur le cinéma et les fantômes, mais non pas sur le cinéma de genre. Voilà, donc vous réécouterez tout ça, vous allez podcaster, télécharger, réécouter en ligne durant des mois et des mois. Toute cette nuit des fantômes, au cours de laquelle on a pu entendre aussi une enquête sur les fantômes, des fantômes un petit peu snob, au micro de Micheline Sandrel. Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, dans une adaptation de Jean-François Audurois et une réalisation de Claude Roland-Manuel. Et puis l'émission d'Amaury Chardot, métronomique des esprits frappeurs, à Uri Geller. Et également Fantôme et tourisme, le monde insolite. Et puis le tour d'écrou de Henry James, et bien sûr ce fantôme de Canterville que nous venons d'entendre. Quelle est la meilleure heure pour surprendre les fantômes, Caroline Callard? Ça dépend de son tempérament. Moi, je ne les supporte que le jour parce que la nuit me font trop peur. Ah bah, mais je suppose que les auteurs de France Culture n'ont pas froid aux yeux. Les auteurs ou les auditeurs? Les auditeurs. Les auditeurs, pardon. Ont-ils eu peur au cours de cette nuit? Mais je ne sais pas, j'attendrai peut-être quelques réactions. Ben, espérons. Mais quel est l'intérêt finalement d'un fantôme qui ne ferait plus peur? Alors, je sais pas, mais moi, j'ai souvent coutume de dire que je travaille sur les gentils fantômes, pas les esprits frappeurs diaboliques qui font très très peur. D'ailleurs, j'ai peu de goût pour les films d'horreur. Mais en revanche, il y a une consolation des fantômes aussi. Et je pense que c'est plus vers ce fantôme-là aussi que j'ai voulu aller et montrer en tout cas pourquoi est-ce qu'ils étaient si indispensables aux vivants qui les font exister. Merci Caroline Callard. Ainsi se termine donc cette nuit des fantômes. Philippe Garbi, Jacques Azuber, Hassanem Béchour, Virginie Mourtet. Très bonne journée à toutes et à tous. Et donc toute cette nuit est à réécouter en ligne, à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture. Cela fait 300 ans que j'ai fait peur aux gens. C'est très excitant d'être très méchant. J'ai des déguisements, costumes et fausses dents. Je fais peur aux parents et à leurs enfants. Je suis un fantôme, un très vieux fantôme. Dès qu'il est minuit, dans le manoir, je rôde. Je suis un fantôme, un très vieux fantôme. Croyez-moi, être un fantôme, ça n'est pas toujours drôle. Un fantôme, un très vieux fantôme. Un fantôme, un fantôme, un très vieux fantôme. Je fais du bruit sous ton lit, grincer le plancher, change d'habit toutes les nuits, pour mieux t'effrayer. Un fantôme, un très vieux fantôme. J'aime la nuit plus que le jour, quand vous dormez, moi, je vous joue des tours. Je suis là depuis toujours, quand j'avais peur, tout le monde court. Je suis un fantôme, un très vieux fantôme. Et depuis des années, je ne fais que hanter. Je suis un fantôme, un très vieux fantôme. Et ici, je suis coincé, j'aimerais tellement m'en aller. Mais pour m'en aller, pouvoir m'envoler, quelqu'un doit m'aider, me pardonner. J'ai fait une bêtise, il y a très longtemps. Et ma punition fut très, très... Mais chante.